Débarquement non allié en terre connue, je viens poser mon rap dans les terres des Vosges. On est loin de t'être inconnu, tu te sens chelou, c'est voulu. Je veux pas de rap commercial, bientôt on sera dans le journal. Je crois que tu comprends trop mal, tu peux pas tester ça, chacal. T'en prends plein la S, sale crasse. Couille pour toi c'est la S, faut pas taper tasse. Va te cacher dans ta tête, vaut mieux que tu te taises. Je compte plus le nombre de chums qui veut me l'enfer à l'envers. J'arrache les fleurs de la mairie pour les offrir à ma mère. Tous des lâches, des traîtres, y'a plus d'amis d'enfance. Le monde est sale, poto, dis, qu'est-ce que t'en penses? Nous sommes pas, ça arrive vite, la météo ne prévoit pas. Et c'est pas Claire Chazal qui rêve de zné, c'est DAK. Estelle Denis ne devrait pas présenter téléfoot. Ce qu'on aimerait, c'est la voir en train de se garder de foutre. Système, comptez sous leur tombe, tombez, tous plombés, fin de blonder, de pour notre apompé, conquérant des banques, je sonfais, ta seule occupation c'est de ronfler. Gentleman des sous-sons, gentleman des sous-sons, gentleman des sous-sons, gentleman des sous-sons, gentleman des sous-sons, les sous-sons. C'est magnifiquement lugubre et pas pour les vacanciers. Sitôt t'es arrivé, t'es déjà pressé d'être rentré. Ta mère devrait laisser son humour rose aux pages jaunes. Ça ferait plaisir à Platium qui ont la gueule au cachot. Partout en France et je redans, y'a un goût de braquage. Le 5-9 fait des ravages, la traîne pas dans les parages. Bonne maison sans sourire, pas de keuf sale sans sourire. Pas sorti dans la hurle sans le verbe courir. Tu vois la tasse, retourne dans le petit bassin. Je te fracasse, toi et ton armée de fantassins. Retourne t'entraîner, t'as le même flow que Jodassin. C'est malsain, sur une tuerie d'assassin ou larcin. Un son urbain, ça pique, c'est plein de venin. Tu veux qu'on arrête? Non, on prend pas les pots de vin. J'ai mis un frein à ta carrière, tu peux abandonner, petit amateur. Eh mec, t'as fait une grosse erreur, maintenant c'est l'heure de ton heure. Et sous leur tombe, tombez, tous plombés, fin de blonder, de pour notre apompé, conquérant des banques, je sonfais, ta seule occupation c'est de ronfler. Adrénaline, gentleman des sous-sols, gentleman des sous-sols, sous-sols, sous-sols. Cindy, la glace du béton, à pas le charme de la cité.